songe bleu et surprise à danser au printemps du péché dans ses pétales roses. Enfant illuminé, rêve éveillé, tu l'oses vivre cette féerie et toujours y penser. Si sans plume la pie a chu hors du douni, tes doigts ont su bercer l'eau qui calme à sa gorge. Comme aujourd'hui le geste où l'avenir se forge, retient-elle un aimant les doigts que tu bénis. Tourterelle ou l'Égypte élue au collier noir, au cache de nos bras ou ta tendresse. La nuit ton col se tord en un cri de détresse. Le sphinx avait puni ton œil ce même soir. Le rouge gorge siffle au nid du mimosa qui s'appuie au balcon, la chaude main tendue, ivresse d'exister à son chant suspendu, masque le peu d'été dont son temps disposa. Dans le ciel.